Kim Yong-nam, président du présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, a participé à la cérémonie d'investiture du président de la République islamique de l'Iran, tenue le 5 courant au siège parlementaire à Téhéran. Y figuraient des chefs d'État et de gouvernement et délégations de divers pays, les délégués des institutions internationales, y compris l'Union européenne, ainsi que les personnalités du gouvernement, du Parlement, des autorités militaires et de la République populaire démocratique de Corée, a participé à la cérémonie d'investiture du président de la République islamique de l'Iran, tenue le 5 courant au siège parlementaire à Téhéran. Y figuraient des chefs d'État et de gouvernement et délégations de divers pays, les délégués des institutions internationales, y compris l'Union européenne, ainsi que les personnalités du gouvernement, du Parlement, des autorités militaires et des milieux religieux iraniens. Kim Yong-nam a été convié le même jour au banquet offert par le président iranien.